Eh bien, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur Radio Fadjet pour cette nouvelle émission de la boîte à BO, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film avec de nombreuses rubriques que vous allez donc découvrir progressivement tout au long de cette émission. Et cette émission, bien sûr, co-animée comme chaque semaine avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, quel est le programme de cette semaine? Alors, au programme aujourd'hui, les plus grands compositeurs de musique de film, John Williams, Ennio Morricone, Alan Silvestri, Bernard Herrmann, Maurice Jarre, mais également un bon duo, Lady Gaga, Bradley Cooper. Eh bien, parfait Francine, on se retrouve dans quelques instants pour cette belle programmation. Alors, commençons sans plus tarder par notre première séquence BO culte avec bien évidemment l'un des grands maîtres de la musique de film, John Williams, le compositeur fétiche de George Lucas et de Steven Spielberg, oscarisé à 5 reprises. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une de ces musiques qui a contribué en grande partie au succès du film, la BO de Jurassic Park, composée en 1993. Alors, sais-tu, Jérôme, que ce film a été réalisé par Spielberg la même année que La Liste de Schindler? Oui, tout à fait, Francine. Et c'est là que l'on voit tout le talent du réalisateur de Steven Spielberg. Alors, voici donc tout de suite le thème principal avec un orchestre symphonique, ici celui de Vienne, qui accompagne donc toujours donc John Williams. Tout est fait pour recréer de l'émerveillement, disait John Williams. Eh bien, mission accomplie avec cette BO. Alors, welcome to Jurassic Park. Place à la BO en chanson. La chanson se mêle souvent à la musique. Et vous avez été nombreux à avoir été impressionnés par la prestation de Lady Gaga dans le film Star is Born, réalisé par Bradley Cooper. En France, on dénombre plus de 2 millions d'entrées au box-office. Sachez que dès le début, Bradley Cooper et Lady Gaga se sont mis d'accord pour filmer toutes leurs performances en direct sans avoir recours au playback. Cette BO a remporté en 2018 l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure musique. Écoutons donc tout de suite le titre « I'll Never Love Again ». Wish I could. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two. Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. That I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. Oh, magnifique prestation de Lady Gaga pour le film Star is Born avec cette très belle chanson I'll Never Love Again. Passons maintenant à notre séquence BO coup de cœur et cette semaine, Ennio Morricone, bien connu pour ses célèbres musiques de western dont il était une fois dans l'Ouest bien évidemment. Mais aujourd'hui, un autre bijou, la BO du film Cinéma Paradiso, un film de 1988 réalisé par Giuseppe Tartore avec l'inoubliable Alfredo interprété par Philippe Noiret. Alors si vous avez vu ce film, vous repenserez alors à cette émouvante scène finale. Voici donc Love Theme avec une version donc interprétée non pas par Ennio Morricone mais par le violoniste Renaud Capuçon. Love Theme, Cinéma Paradiso. Après ce moment émouvant, revenons maintenant aux années 80 avec sans doute une des partitions les plus populaires de ces années. Vous connaissez forcément ce court extrait que je vais diffuser. Alors, Alors, vous avez certainement reconnu Retour vers le futur de Robert Zemeckis avec Michael Fox. Michael J. Fox, et oui, Francine, ce film, c'est un très bon souvenir de jeunesse. Plus de 35 ans que ce film a été réalisé et je trouve que le réalisateur avait assez bien anticipé le monde de demain. Au fait, Francine, quand les héros du film vont dans le futur, te souviens-tu de la date qui avait été choisie en 1985? Ben non, je me souviens plus exactement. Eh bien, c'était le 21 octobre 2015. 16h29. Oui, c'est vrai, je me souviens qu'il y avait pas mal de festivités à cette date. Oui, oui. Alors, l'extrait du thème principal de la saga Retour vers le futur est une musique orchestrale et épique composée par Alan Silvestri, compositeur américain qui est également l'auteur de la BO, entre autres, de Forrest Gump. Et plus récemment, il est devenu le compositeur officiel de la franchise au très grand succès Avengers. Retrouvons un autre extrait phare du film, bien connu, Power of Love. Make another man sing. Change your heart to a little white. Voilà, c'était la BO du film Retour vers le futur. Vous êtes bien sur Radio Fagette, c'est la boîte à BO. Nous découvrons cette semaine les grands compositeurs de musique de film et passons à notre séquence BO Frisson, l'occasion de vous montrer comment, au-delà des images, une musique de film peut créer un sentiment d'angoisse avec, comme bien sûr, référence, le grand Bernard Herrmann, le compositeur favori d'Alfred Hitchcock. Et pour cette séquence, nous ne pouvions qu'écouter la musique d'un des films phares du maître du suspense. À vous de retrouver le nom de ce film culte en écoutant cette musique. Voilà, vous avez certainement donc reconnu la BO du film Psychose avec l'inquiétant Norman Bates, interprété par Anthony Perkins. Alors maintenant, Francine, on passe à la dernière séquence. Eh oui, on passe à la BO romance. Un peu de romantisme pour terminer ce numéro de la boîte à BO. L'occasion de retrouver les BO des films qui nous ont tous fait chavirer. Et comment ne pas oublier ce magnifique duo Patrick Swayze et Demi Moore dans le film Ghost. Il faut savoir qu'au départ, c'est Madonna qui avait été pressentie pour le rôle. Produit pour un budget de 22 millions de dollars, Ghost en a rapporté pas loin de 517 dans le monde, rien qu'avec sa sortie en salle. Il s'agit du succès le plus important dans les carrières du regretté Patrick Swayze et pour Demi Moore également. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Madonna qui devait interpréter le rôle donc interprété par Demi Moore. Mais tu sais que Patrick Swayze n'était pas non plus le premier choix du réalisateur parce que c'est Harrison Ford qui avait été choisi en premier. Et ensuite, donc, le choix s'est porté sur Patrick Swayze lorsque le réalisateur l'a vu en larmes à la télévision lors d'une interview. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à montrer sa sensibilité pour un homme, hein, Francine. Eh bien oui, tout à fait, Jérôme. Alors, c'est au compositeur français Maurice Jarre que l'on doit la BO de ce film qui a obtenu en 1991, l'Oscar de la meilleure musique de film. Voilà, donc on retrouve tout de suite donc la BO de ce film, donc Ghost. Thank you. time can do so much. Are you still mine? S'achève ce numéro de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Mais oui, Jérôme, à la semaine prochaine. Eh bien, passe une bonne semaine. Merci. Et puis d'ici là, donc portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.